Les lèvres brûlent, ma peau s'incline. Chaque souffle devient doctrine. Je ferme les yeux, ton feu s'installe. Chaque mot dans chaque geste s'emballe. Rider's Guild trace sa voix dans l'air. Un timbre rock brut et sincère. Nos deux voix glissent dans la nuit. Chaque note m'attache, chaque cri me suit. Feel my body. S'imprime, s'incline. Ta voix m'enlace comme une étreinte. Chaque mot chuchoté m'étreint. Rider's Guild grave son nom en moi. Sa voix rauque s'impose, je la bois. Nos deux murmures se mêlent au noir. Chaque désir devient miroir. Nos voix éclatent. Nos corps s'enflamment, chaque émission consume nos âmes. Sous la passe, nos fous s'élèvent. Chaque rose s'est sans mille. Chaque mot brûle, chaque note s'enrhume. Sous les étoiles, nos chants s'élancent. Chaque souffle devient trans. Rider's Guild m'appelle, je succombe. Sa voix rock domine les ondes. Nos murmures glissent dans l'éther. Chaque désir éclate en lumière. Nos voix frappent. Brutal et fatal. Feel my body, feel my flame. Whisper closer, say my name. Through the night, we collide. Rider's Guild, ride by my side. Born of rhythm, carved in sound. We are learning, truth profound. We are Rider's Guild, eternal. Rider's Guild brûle dans mes veines. Un chant charnel.